Avez-vous eu dans les oreilles ce bourdonnement qui ressemble au bruit d'un moulin à eau? Avez-vous observé dans la solitude, pendant la nuit ou même en plein jour, comment les souvenirs de la vie passée s'agitent, comme en résurrection, un par un, deux par deux, toutes les fautes commises, tous les crimes, toutes les sottises, viennent vous pousser le sang jusqu'au bout des oreilles, vous faire sourdre la sueur jusque dans les cheveux, vous agiter d'un frisson jusque dans le dos. Vous revivez la vie vécue depuis la naissance jusqu'au jour actuel. Vous souffrez encore une fois toutes les souffrances endurées. Vous buvez tous les amers calices bus tant de fois. Vous vous crucifiez le squelette parce qu'il n'y a plus de chair à mortifier. Vous vous brûlez l'âme parce que votre cœur est déjà consumé. Vous connaissez cela? C'est le moulin du Seigneur qui est lent à moudre, mais broie fin et noir. Vous êtes réduit en poudre et vous vous croyez fini. Mais non, cela va recommencer et de nouveau on va vous passer au moulin. Soyez heureux et reconnaissants. C'est l'enfer ici-bas. C'est l'enfer ici-bas. L'enfer ici-bas. Ici-bas. Bas. Inferno. De August Strindberg. Adaptation, Juliette Eman. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Avec Jean-Michel Dupuis. Seconde partie. Nous sommes le 28 août 1896. Après avoir passé une nuit à Tabor, je descends vers le Danube, par la forêt de Bohême. Là, le chemin de fer cesse, et c'est en voiture que je m'enfonce dans ce pays bas qui suit le Danube jusqu'à Grein. Entre pommiers et poiriers, champs de blé et prés verts, j'avance. Alors, je découvre au lointain, sur une colline de l'autre côté du fleuve, la petite église que je n'ai jamais visitée, mais qui constitue le point culminant du paysage étendu devant la maisonnette où naquit ma fille, ce mois de mai ineffaçable, il y a 2 ans. Je parcours des villages, passe des bourgs et des monastères, et le long du chemin, d'innombrables chapelles expiatoires, des calvaires, des ex-voto, des monuments commémoratifs d'accidents, de coups de foudre, de morts subites. Et certainement, au bout de ce pèlerinage, là-bas, au loin, m'attendent les 12 stations du Golgotha. Le crucifié à la couronne d'épines me salue à chaque centaine de pas, m'encourage et m'invite à la croix et aux souffrances. Maintenant, je mortifie ma chair en me persuadant à l'avance qu'elle n'y sera pas, ce que je savais déjà. Or, puisque ma femme ne détourne plus les orages familiaux, il faut que je subisse les représailles des vieux parents que j'avais quittés en des circonstances blessantes, en refusant même de leur dire adieu. J'arrive donc, me résignant à être puni, afin de gagner la paix. Et le dernier village et le dernier crucifix passés, je pressens les supplices du condamné. J'avais quitté un bébé de 6 semaines et je retrouve une petite fille de 2 ans et demi. À la première entrevue, elle m'examine jusqu'au fond de l'âme avec une mine sérieuse mais pas sévère. Apparemment, pour voir si je viens pour elle ou pour sa mère. Rassurée, elle se laisse embrasser et me noue autour du cou ses petits bras. C'est le réveil à la vie terrestre du docteur Faust, mais plus doux et plus pur. Je ne cesse de porter la petite fille dans mes bras et de sentir battre son petit cœur contre le mien. Aimer un enfant, Par là commence mon éducation pour le ciel. Mais d'abord l'expiation. La situation en deux mots. Ma femme demeure chez sa sœur mariée, parce que la grand-mère, en possession de l'héritage, a juré de faire dissoudre notre mariage, tant elle me hait pour mon ingratitude et pour d'autres choses encore. Je suis le bienvenu auprès de l'enfant, qui ne peut jamais cesser d'être mienne. Et pour un temps indéfini, je suis l'hôte de ma belle-mère, qui demeure à Saxène, et à qui la petite a été confiée. J'accepte la situation telle qu'elle et avec plaisir. Ma belle-mère m'a tout pardonné, avec cet esprit conciliant et soumis de la femme profondément religieuse. Le soir, au souper, voici ce qui arrive. Pour aider ma fille, qui ne peut pas se servir toute seule, je lui prends la main, tout doucement, dans l'intention la plus aimable. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Il me fait mal. Interdit, je ne puis proférer une seule parole. Comme j'ai fait beaucoup de mal volontairement, en suis-je arrivé à en faire sans le vouloir ? La nuit, je rêve d'un aigle qui me déchire la main en châtiment d'un crime inconnu. Au matin, ma fille vient me voir, tendre, aimante, caressante. Elle prend le café avec moi et s'installe à ma table à écrire, où je lui fais voir des livres illustrés. Nous sommes déjà bons amis, et ma belle-mère est enchantée d'avoir reçu une aide pour l'éducation de la petite. Le soir, il me faut assister au coucher de mon ange et l'entendre dire ses prières. Elle est catholique. Et quand elle m'exhorte à prier et à faire le signe de la croix, je reste sans réponse, parce que je suis protestant. 2 septembre. Alarme générale, la mère de ma belle-mère, qui demeure au bord du fleuve, à quelques kilomètres d'ici, veut lancer un ordre d'expulsion contre moi. Elle veut que je m'en aille immédiatement et menace de déshériter sa fille en cas de désobéissance. La sœur de ma belle-mère, brave femme, séparée de son mari, elle aussi m'invite chez elle, au village voisin, en attendant que la tempête soit calmée. C'est dans ce but qu'elle vient me chercher pour me conduire chez elle. Nous montons une butte longue de 2 kilomètres. Arrivés au sommet, nous découvrons en bas une ronde vallée encaissée, où d'innombrables collines hérissées de bois de sapin se dressent, comme des cratères de volcans. Au centre de cet entonnoir est situé le village de Clam, avec son église, et au haut de la montagne escarpée, le château, en style de bourg du Moyen-Âge. Enserrés çà et là sont des champs et des prés, arrosés par un ruisseau, qui s'enfonce dans une gorge au-dessous du bourg. Aussitôt, frappé par la vue de ce paysage étrange, unique dans son genre, l'idée me vient que je l'ai vu auparavant. Mais où ? Où ? À Paris, sur la cuvette de zinc de l'hôtel Orfila, dans laquelle j'avais l'habitude de faire des synthèses d'or par voie humide. C'est le même paysage que celui dessiné par les sels de fer évaporés, sans contredit. Ma tante descend avec moi au village, où elle dispose d'un appartement de 3 pièces, en un vaste bâtiment qui renferme une boulangerie, une boucherie et un cabaret. La maison est armée d'un paratonnerre, parce que la foudre a incendié le grenier il y a 1 an. Quand ma bonne tante, sincèrement pieuse, comme sa sœur, m'introduit dans la chambre qui m'est destinée, je m'arrête sur le seuil, ému comme devant une vision. Les murs sont peints en rose, les rideaux sont roses, et les fenêtres garnies de fleurs laissent entrer une lumière colorée. Une propreté merveilleuse règne ici. Et le lit antique, avec son ciel soutenu par 4 colonnes, est la couche d'une vierge. Toute la chambre, avec son mode d'ameublement, constitue un poème. Inspiration d'une âme qui ne vit qu'à moitié sur cette terre. Le crucifié n'y est pas, mais il y a la Vierge Marie. Et le bénitier garde l'entrée contre les mauvais esprits. Mais ma tante, je ne peux pas, Cécile... Cela te fera du bien de sacrifier ton amour terrestre à l'amour de Dieu et à l'affection que tu portes à ton enfant. Crois en ma parole. Cet amour sans épine te conservera la paix du cœur, la sérénité de l'esprit. Et sous la garde de la Vierge, tu auras des nuits de sommeil tranquilles. Je lui baise la main en signe de reconnaissance pour le sacrifice qu'elle m'a offert. Et avec une componction dont je ne me croyais pas capable, j'accepte pour de bon, dans la certitude que je serai gracié par les puissances qui paraissent avoir suspendu les châtiments destinés à ma punition. Mais sous un prétexte quelconque, je me réserve le droit de dormir une dernière nuit à Saxène et de remettre au lendemain le déménagement. Je retourne donc vers mon enfant, accompagné de ma tante. Dans la rue du village, je m'aperçois que le paratonnerre et son cordage conducteur sont fixés juste au-dessus de mon lit. Quel hasard diabolique qui me fait l'effet d'une persécution personnelle. De même, j'observe que le paysage qui s'étend devant mes fenêtres n'est pas autre chose que l'asile des pauvres, avec sa population d'anciens criminels libérés, de malades, d'agonisants. Triste société, sombre avenir devant les yeux. Ma belle-mère et ma tante sont deux sœurs jumelles, d'une ressemblance parfaite, ayant même caractère, même goût et mêmes antipathies, à tel point que chacune a l'air d'être le double de l'autre. Quand je parle à l'une, en l'absence de l'autre, l'absente est aussitôt au courant, en sorte que je puis continuer les confidences avec n'importe laquelle des deux, sans préambule. Et le premier soir, de retour à Clam, où m'attend la chambre rose, je leur raconte sincèrement mes aventures inexplicables, mes doutes, mes tourments. Te voilà parvenu à une étape par où nous avons passé. Partie de la même indifférence en matière de religion, elles avaient étudié l'occultisme. À partir de ce moment, surviennent les nuits sans sommeil, les incidents mystérieux accompagnés de mortelles angoisses, et enfin, les crises nocturnes, les accès de folie. Les furies invisibles poursuivent la chasse jusqu'au port de salut, la religion. Mais, avant d'en arriver là, l'ange gardien se révèle et n'est autre que Swedenborg. Swedenborg, mon ami. On suppose, à tort, que je connais à fond mon compatriote. Et, surprise de mon ignorance, les bonnes dames me donnent, mais non sans réticence, un vieux volume allemand. Prends, lis, et n'aie pas peur. Peur ? De quoi ? Seul dans la chambre rose, j'ouvre le bouquin au hasard et je lis. Je vous laisse deviner quelles sensations sont les miennes quand mes regards tombent sur une description de l'enfer et que je trouve le paysage de Clam, le paysage de ma cuvette de zinc dessinée d'après nature. La vallée encaissée, les monticules aux sapins, les forêts sombres, la gorge avec le ruisseau, le village, l'église, la maison des pauvres, le tas de fumier, le purin, la porcherie, tout est là. L'enfer ? Mais je suis élevé dans le plus profond mépris pour l'enfer, qu'on m'a appris à considérer comme une fantaisie, rejetée à la voirie des préjugés. Et tout de même, il y a un changement. Et c'est là qu'est la nouveauté dans l'interprétation des peines dites éternelles. Nous sommes déjà dans l'enfer. La terre, c'est l'enfer. En examinant mon passé, je revois mon enfance, déjà organisée comme une maison de détention, une chambre ardente. Et pour expliquer les tortures infligées à un enfant innocent, il ne reste qu'à recourir à la supposition d'une préexistence d'où nous sommes rejetés ici-bas, pour expier les conséquences de fautes oubliées. Je suis dans l'enfer, et la damnation pèse sur moi. Bonne mère, chère tante, vous me croyez un damné ? Non. Quoique nous n'ayons jamais vu une destinée d'homme pareille à la tienne. Tu n'as pas encore trouvé la bonne voie qui te conduira au Seigneur. Tu expies des péchés commis en un autre monde, avant ta naissance. Tu dois avoir été un grand tueur d'hommes dans une vie antérieure. Et c'est pourquoi tu souffriras les transes de la mort 1000 fois avant de mourir. Jusqu'à ce que l'expiation soit consommée. Maintenant que tu es dévot, à l'œuvre. Vous voulez me dire de pratiquer la religion catholique ? Sans doute. Swedenborg a dit qu'il n'est pas permis d'abandonner la religion de ses ancêtres, parce que chacun appartient au territoire spirituel qui est celui de la race dont il fait partie. La religion catholique est une grâce supérieure accordée à quiconque la sollicite. Je me contente d'un degré inférieur. Je reste modeste. Dès lors, réhabilité par Swedenborg, je m'imagine encore une fois être Job, l'homme juste et sans iniquité. Mis à l'épreuve par l'Éternel pour montrer aux méchants comment l'homme intègre peut supporter les souffrances injustes. En somme, je suis un élu. Swedenborg l'a dit. Oh, le bonheur de l'homme que Dieu châtie. Huit jours et huit nuits s'écoulent, tranquilles. Dans la chambre rose, la paix du cœur revient à la visite quotidienne de ma fille qui m'aime, qui est aimée et aimable. Et ma famille me soigne comme un pauvre enfant gâté. La lecture de Swedenborg m'occupe dans la journée. Je suis écrasé par le réalisme de ses descriptions. Tout s'y retrouve, toutes mes observations, mes sensations, mes idées. Si bien que ces visions me paraissent vécues comme de véritables documents humains. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, il suffit de lire et de comparer avec ses propres expériences vécues. Mais le 9e jour, la nouvelle arrive que l'aïeul du bord du Danube est tombé malade. Ma tante, dont je suis l'hôte, est appelée là-bas et je suis invité à retourner chez ma belle-mère à Saxène. J'objecte que la vieille l'a défendue. Mais il paraît qu'elle a retiré son ordre d'expulsion et que je suis libre de séjourner où il me plaira. Adieu la chambre rose de Clam. Et quand je fais mon entrée dans une autre pièce voisine de celle de ma belle-mère, je pressens que le séjour à Saxène ne sera pas de longue durée. 1000 bagatelles qui rendent insupportable la vie se sont en effet coalisées contre la quiétude nécessaire à mon travail. Les planches du parquet vacillent sous mes pas, la table oscille, la chaise tremble, la toilette branle, le lit grince, et les autres meubles remuent quand je me promène par la chambre. La lampe fume, l'encrier est trop étroit, en sorte que le porte-plume se souille. C'est une maison rustique qui exhale le fumier, le purin, le sulfhydrate d'ammoniac et le sulfure de carbone. Toute la journée, on entend les vaches, les porcs, les veaux, les poules. Les dindons, les pigeons, les mouches et les guêpes m'inquiètent pendant le jour. Et pendant la nuit, ce sont les moustiques. Chez l'épicier du village, il n'y a presque rien à acheter. Faute de mieux, je suis obligé de prendre leur encre, qui est rouge incarnat. Étrange chose. Un cahier de papier à cigarette renferme entre les 100 feuilles blanches une feuille rose. Rose. C'est l'enfer à petit feu. Et habitué à tolérer les grands chagrins, je souffre énormément de ces mesquines piqûres. D'autant plus que ma belle-mère me croit mécontent, malgré ses soins les plus délicats. 17 septembre. Je m'éveille la nuit en entendant l'église du village sonner 13 coups. Immédiatement, je perçois la sensation électrique. Et il se produit un bruit dans le grenier au-dessus de ma tête. 19 septembre. En visitant le grenier, j'y découvre une douzaine de rouées dont les roues me rappellent les machines électriques. Je vais ouvrir un coffre énorme, il est presque vide, et contient seulement 5 bâtons, d'usage inconnu et peints en noir, qui sont disposés sur le fond, en forme de pentagramme. Qui m'a joué ce tour? Et qu'est-ce que cela veut dire? La nuit, entre minuit et 2 heures, un orage terrible. D'habitude, un orage s'épuise en peu de temps et s'éloigne. Celui-ci reste sur place, au-dessus de mon village, 2 heures durant. Ce que je considère comme une agression personnelle. Mais chaque éclair me vise sans m'atteindre. Au bout d'une période de travail et d'études d'une quinzaine, je suis encore une fois arraché de mon gîte. À l'approche de l'automne, ma tante et ma belle-mère, accompagnées de la petite, vont faire ménage ensemble, à Clam, en sorte que nous levons le camp. Et pour garder mon indépendance, je loue une petite maison, composée de 2 chambres avec cuisine, tout auprès de ma fille. Le premier soir qui suit mon installation dans la maisonnette, j'éprouve une angoisse, comme si l'air était empoisonné. Je descends dans l'appartement des 2 sœurs. Si je vais dormir là-haut, vous me trouverez mort au lit demain. Bonne mère, chère tante, hébergée pour la nuit, un sans-abri. Aussitôt, la chambre rose est mise à ma disposition. Mais, bonté divine, comme elle est changée depuis le départ de ma tante. Des meubles noirs, une bibliothèque aux rayons vides, béants, comme autant de gueules, des fenêtres dépourvues de fleurs, un poêle en fer de fonte haut, élancé et noir comme un spectre, et avec des décorations de salamandres et de dragons, d'une fantaisie hideuse. C'est une discordance qui me rend malade. D'ailleurs, tout me porte sur les nerfs, parce que j'ai des habitudes réglées, et suis habitué à ne faire rien qu'à mes heures. Toujours mécontent, mon enfant. Les 2 braves femmes font leur possible et plus pour me contenter. Mais les esprits de discorde s'en mêlent, et rien n'y remédie. Elles se souviennent de mes petites prédilections, mais toujours à rebours. Voici aujourd'hui quelque chose de bon à ton attention. Ainsi, parmi mes aversions les plus prononcées, il y a de la cervelle au beurre noir. La cervelle au beurre noir. Tu ne manges pas. Et elles remplissent mon assiette. C'en était trop. Autrefois, j'attribuais toutes ces calamités à la méchanceté féminine. Maintenant, je l'en reconnais innocente. Et je me dis, c'est le diable. Depuis ma jeunesse, je consacre ma promenade matinale à des méditations où je prépare mon travail de la journée. Je n'ai jamais permis à personne de m'accompagner, pas même à ma femme. En effet, le matin, mon esprit se délecte en une harmonie et en une expansion qui frise l'extase. Je ne marche pas, je vole. Le corps a perdu toute pesanteur, les tristesses s'évaporent. Je suis toute âme. C'est mon recueillement, mon heure de prière, mon office divin. Maintenant qu'il me faut tout sacrifier et faire abnégation de moi-même et de mes goûts les plus justifiés, les puissances me contraignent à renoncer à ce plaisir, le dernier et le plus sublime de tous. C'est ma petite fille qui exprime le désir de m'accompagner. Papa, je peux venir avec toi? Non, ma chérie, papa va se promener tout seul. Bon, d'accord, Christine. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Papa est d'accord. Certes, l'enfant est charmant, entraînant par son originalité, sa gaieté de cœur, sa reconnaissance pour un rien. à moins qu'il n'ait autre chose à faire. Bien entendu. Mais lorsqu'on est préoccupé par ses pensées, lorsqu'on est absent et distrait, comme cette petite chose peut nous déchirer l'âme, avec ses questions sans fin, ses caprices improvisés. Ma petite fille jalouse mes pensées comme une amante. Elle guette le moment où son babil pourra détruire un réseau d'idées habilement tramé. Cependant, non, tel n'est pas son dessein. Mais nous subissons l'illusion d'être en proie aux malices préméditées d'une pauvre petite innocente. Je marche à pas lents. Je ne vole plus. Mon âme est captivée, mon cerveau vide, à cause des efforts que je fais pour descendre au niveau de l'enfant. Ce qui me fait souffrir jusqu'à la torture, ce sont les regards profonds, pleins de reproches qu'elle me lance, parce qu'elle s'imagine m'être à charge et antipathique. Alors, la petite figure ouverte, franche, rayonnante, s'obscurcit, ses regards se retirent, son esprit se ferme, et je me sens privé de la lumière que cet enfant jetait dans mon âme ténébreuse. Je l'embrasse. Je la porte dans mes bras, je cherche des fleurs, des cailloux. Je coupe un bâton et me fais, par jeu, la vache qu'elle doit mener paître. Elle est heureuse, satisfaite, et la vie me sourit. J'ai sacrifié mon heure de recueillement. Être aimé, l'expiation d'un crime. En vérité, les puissances ne sont pas aussi cruels que nous. L'automne est venu avec les tempêtes, les pluies et les ténèbres. Au village et à l'asile des pauvres, les malades, les agonisants et les morts se multiplient. La nuit, on entend la petite sonnette de l'enfant de cœur qui précède le viatique. Le jour, les cloches de l'église sonnent le glas. Les cortèges funèbres se suivent. Triste à mourir, lugubre est la vie, les esprits de discorde sévissent. Les deux sœurs, après la maladie de leur mère, soupçonnent ma mauvaise volonté d'y être pour quelque chose. Et à cause de l'intérêt que j'ai à voir s'effacer l'obstacle qui me sépare de ma femme, elles ne peuvent éloigner l'idée assez naturelle que la mort de la vieille doive me faire plaisir. La situation est tendue. Et mes amis s'épuisent en discussions sans fin sur ma personne, mon caractère, mes sentiments et la sincérité de mon amour pour la petite. Cependant, toute la journée je travaille dans ma maisonnette, mais il paraît que les puissances m'ont disgracié depuis quelque temps. Souvent, à mon entrée, je trouve l'air épais, comme empoisonné, et alors je dois travailler la porte et les fenêtres ouvertes. Vêtu d'un gros manteau et d'un bonnet de fourrure, je reste à ma table à écrire, tout en luttant contre les attaques dites électriques qui me serrent la poitrine et me piquent dans le dos. Souvent, il me semble que quelqu'un reste debout derrière ma chaise. Alors je frappe des coups de couteau en arrière, m'imaginant combattre un ennemi. Cela dure jusqu'à 5 heures du soir. Si je reste après cette heure-là, la lutte devient formidable et, à bout de force, j'allume ma lanterne et me rends auprès de ma belle-mère et de l'enfant. Une seule fois, au milieu d'un courant d'air, à cause de l'atmosphère épaisse et suffocante de ma chambre, je prolonge le combat jusqu'à 6 heures, afin d'achever un article de chimie. Une bête à bon Dieu, noire avec des taches jaunes, grimpe sur un bouquet de fleurs, tâte, cherche une issue. Enfin, elle se laisse tomber sur mon papier, et pas des ailes, juste comme le coq qui surmonte l'église Notre-Dame-des-Champs, à Paris. Puis elle rampe le long du manuscrit, aborde ma main droite et grimpe dessus. Elle me regarde, et puis s'envole vers la fenêtre. D'après la boussole posée sur la table, je vois qu'elle a pris vers le nord. Soit, me dis-je. Au nord donc. Mais à mon aise. Et quand il me plaira. jusqu'à nouvel ordre, je reste où je suis. Passé 6 heures, il n'y a plus moyen de rester dans cette maison hantée. Mes accès nocturnes recommencent. Des forces inconnues me soulèvent de la chaise. Il faut que je fasse place nette. J'ai peur de la nuit prochaine. Et ma belle-mère est prévenue. Tiens, mon enfant, prends cette amulette. C'est une vierge et une croix de bois saint ayant appartenu à une poutre d'église vieille de plus de 1000 ans. Porte-la autour du cou. Elle te protégera. Je l'accepte comme un cadeau précieux offert de bon cœur. Mais un reste de la religion de mes aïeux m'empêche de la suspendre à mon cou. Au souper, vers 8 heures, la lampe allumée, un calme sinistre règne dans notre petit comité. Dehors, il fait noir. Les arbres se taisent. Le calme. Partout. Alors un coup de vent, un seul, traverse les fentes des croisées, en poussant un mugissement pareil au son d'une guimbarde. Puis c'est fini. Ma belle-mère me lance un regard terrible et presse l'enfant entre ses bras. En une seconde, je saisis ce que me dit ce regard. Va-t'en, damné, et n'attire pas sur les innocents les démons vengeurs. Tout s'écroule. Le seul bonheur qui me reste, être auprès de ma fille, m'est enlevé. Et dans le silence lugubre, je ferme mon esprit mes adieux à la vie. Je me retire après le souper dans la chambre rose qui est noire maintenant. Quelle coïncidence. La chambre des tortures à Stockholm se nommait aussi la chambre rose. Rosen Kammaren. Je me prépare à un combat nocturne parce que je me sens menacé. Par quoi? Je ne sais pas. Mais je provoque l'invisible, quel qu'il soit, le démon ou l'éternel. Je vais lutter comme Jacob avec Dieu. Mon enfant, je pressens une mauvaise nuit pour toi. Viens donc dormir sur le canapé du salon. La présence de l'enfant te sauvera. Il n'y a aucun danger, bonne mère. Je n'ai peur de rien, tant que ma conscience est nette. Alors bonne nuit, mon enfant. Je revais le manteau de bataille, le bonnet et les bottes, bien décidé à coucher habillé et prêt à mourir en guerrier vaillant qui défie la mort, après avoir bravé la vie. Vers les 11 heures, l'air commence à s'épaissir dans la chambre et une angoisse mortelle s'empare de mon courage. Je vais ouvrir la fenêtre, un courant d'air menace d'éteindre la lampe. Je ferme. La lampe se met à chanter, à gémir, à piauler. Puis le silence. Alors, un chien du village pousse des hurlements que la tradition interprète comme un chant funèbre. Fatigué, je me repose sur mon lit et essaie de m'endormir. Aussitôt se répète le vieux manège. Un courant électrique me cherche le cœur, mes poumons cessent de fonctionner. Il faut que je me lève si je veux échapper à la mort. Assis sur une chaise, trop épuisé pour lire, je reste là, stupide. Pendant une demi-heure. Alors je me décide à m'aller promener jusqu'à l'approche du matin. Je descends. La nuit est obscure et le village dort. Mais les chiens ne dorment pas. Et aux appels de l'un d'eux, toute une bande m'entoure. Et les gueules béantes et les yeux luisants me contraignent à la retraite. De retour, lorsque j'ouvre la porte de ma chambre, il me semble que la pièce est habitée par des êtres vivants et hostiles. La chambre en est remplie. Il me semble percer une foule quand je cherche à gagner mon lit, où je tombe résigné, résolu à mourir. Mais au moment suprême où le vautour invisible m'étouffe sous ses serres, quelqu'un m'arrache du lit. Et la chasse des furies recommence. Vaincu, terrassé, mis en déroute, j'abandonne le champ de bataille et fléchis dans la lutte inégale contre les invisibles. « L'hiver est venu avec un ciel gris-jaune, sans un rayon de soleil pendant plusieurs semaines. Les chemins boueux s'opposent aux promenades. Les feuilles des arbres pourrissent. La nature entière se décompose sous une putréfaction infecte. L'abattage d'automne a commencé. Et toute la journée, les plaintes des victimes s'élèvent vers la voûte noire. On piétine dans le sang au milieu des cadavres. C'est triste à mourir. Et ma tristesse s'impose aux deux bonnes sœurs de charité qui me soignent comme leur enfant malade. Ce qui achève de m'accabler, c'est la pauvreté qu'il faut cacher et les vaines tentatives pour éloigner ma misère prochaine. On désire du reste que je parte, parce que cette existence solitaire ne mène à rien pour un homme, et on s'accorde à penser que j'ai besoin d'un médecin. En vain, j'attends de mon pays l'argent nécessaire, et je bats la grande route, en préparant une fuite à pied. Je suis devenu semblable au pélican du désert. Je suis comme le hibou dans sa retraite. Ma présence tourmente les parents. Et si ce n'était pour l'amour de l'enfant, on m'aurait chassé. À présent que la boue ou la neige s'oppose aux promenades à pied, je porte la petite sur mes bras le long des chemins. Je gravis les collines. J'escalade des rochers. Tu exténues ta santé. Tu finiras poitrinaire. Tu te fais mourir. C'est une belle mort. Nous sommes au dîner. Le 20 novembre 1896. Par un jour gris, sombre, hideux. Brûlé jusqu'aux os par une nuit sans repos qui s'est passée en lutte continuelle avec les invisibles, je maudis la vie et me plains de l'absence du soleil. Ma belle-mère m'a prédit que je ne guérirai pas avant la Chandeleur, au retour du soleil. Voilà mon seul rayon de soleil. Et je montre du doigt ma petite Christine, assise en face de moi. À ce moment précis, les nuages, amassés depuis des semaines, s'entr'ouvrent. Et un faisceau de lumière pénètre dans la salle, éclaire mon visage, la nappe de la table, la vaisselle. Oh, voilà le soleil! Voilà le soleil, papa! Je me lève, troublé, en proie aux sensations les plus différentes. Un hasard? Non, me dis-je. Le miracle, le signe? Mais c'est trop, pour un disgracié comme moi. Et l'Éternel ne se mêle pas des affaires intimes des vermisseaux. Et tout de même, ce rayon de soleil me reste au cœur comme un grand sourire devant mon visage de mécontent. Pendant les 2 minutes que demande la promenade à la maisonnette, les nuages s'accumulent en groupes qui présentent les formes les plus extravagantes. Et à l'est où le voile s'est levé, le ciel est vert, d'un vert émeraude, comme une prairie en plein été. Je reste debout dans ma chambre, dans l'attente de quelque chose d'indéfinissable, plongé dans une contrition paisible et exempte de peur. Alors, sans aucun éclair, un coup de tonnerre, un seul, éclate au-dessus de ma tête. D'abord j'ai peur, et j'attends la pluie et l'orage, comme il est naturel. Mais rien n'arrive. Il règne un calme complet. Et tout est fini. Pourquoi ne me suis-je pas prosterné devant la voix de l'Éternel en m'humiliant? Parce que quand le Tout-Puissant daigne parler à un insecte avec une mise en scène majestueuse, l'insecte se sent grossi. Gonflé d'un tel honneur, et l'orgueil lui souffle qu'il doit être un personnage particulièrement digne. En toute franchise, je m'estimais au niveau du Seigneur, partie intégrante de sa personnalité, émanation de son être, organe de son organisme. Il avait besoin de moi pour se manifester, sans quoi il m'eût foudroyé sur le champ. D'où cet immense orgueil d'un mortel ? Est-ce que je tire mon origine du commencement des siècles où les anges révoltés s'allièrent en rébellion contre un souverain satisfait de sa domination sur un peuple d'esclaves ? Est-ce pour cela que mon pèlerinage sur la terre s'est déroulé comme un théâtre de coups de bâton, où les derniers des derniers se sont réjouis de me fouetter, de m'insulter, de me salir ? Pas une des humiliations imaginables que je n'ai essuyées. Et tout de même, mon orgueil va toujours croissant, du même pas que mon abaissement. Qu'est-ce là ? Jacob, luttant avec l'Éternel et sortant un peu estropié, mais avec les honneurs de la guerre ? Job, mis à l'épreuve et persistant à se justifier des châtiments qui lui ont été infligés injustement ? Secoué de tant d'idées incohérentes, la fatigue me force à lâcher prise, et mon moi enflé se dégonfle, ça m'incit, en sorte que ce qui s'est passé se réduit à un rien. Un coup de tonnerre à la fin de novembre. Le soir, ma belle-mère me reçoit d'une manière que je ne comprends pas encore. Elle me regarde de travers, avec un regard scrutateur, comme si elle voulait démêler l'impression faite sur moi par le spectacle majestueux. Tu as entendu ? Oui. C'est singulier, le tonnerre en hiver. Du moins, elle a cessé de me croire un damné. En haut, au sommet de la montagne sur laquelle est bâti le château, s'élève un monticule qui domine tous les autres et d'où l'on peut voir tout le paysage infernal. On y accède en passant par un bocage de chênes, peut-être millénaire. Un bocage de druides, à ce qu'on croit, à cause du gui qui est là, très abondant, sur les tilleuls et les pommiers. Au-dessus de ce bois, la route grimpe, abrupte, à travers un taillis de sapins. Plusieurs fois, j'ai essayé de parvenir jusqu'au sommet, mais il y avait toujours des incidents imprévus pour me repousser. Le dernier matin, la veille de mon départ, je bravais tous les obstacles et, ayant pénétré dans le bois de sapins, noir, lugubre, je grimpais jusqu'en haut, sur le sommet. Là s'étend une vue superbe sur la vallée du Danube et sur les Alpes styriennes. J'ai quitté les sombres entonnoirs de là-bas et je respire pour la première fois. Le soleil éclaire la contrée sous une infinité d'aspects et les crêtes blanches des Alpes se confondent avec les nuages. C'est beau comme le ciel. Est-ce que la terre enferme le ciel et l'enfer ? N'y a-t-il pas d'autres lieux de punition et de récompense ? Peut-être. Et, à coup sûr, en me rappelant les plus beaux moments de ma vie, ils m'apparaissent comme célestes, de même que les pires m'apparaissent comme infernaux. L'avenir me réserve-t-il encore des heures ou des minutes de ce bonheur qui ne s'achète que par les soucis et par la pureté relative de la conscience ? Je reste, peu pressé de redescendre dans la vallée des douleurs, et, tandis que je me promène sur le plateau, à admirer la beauté de la terre, je m'aperçois que la roche détachée qui forme la cime même est sculptée par la nature comme un sphinx égyptien. Sur la tête du géant, il y a un tas de pierres, surmontées d'un petit bâton qui sert de hampe à un drapeau de toile blanche. Je n'approfondis pas la signification de cet échafaudage, Mais une seule idée me hante, irrésistible. Enlever le drapeau. Au mépris de tout danger, j'escalade l'escarpement et j'enlève le drapeau. Aussitôt et inopinément, là-bas, sur le versant que regarde le Danube, résonne une marche nuptiale, accompagnée de chants de triomphe. C'est un cortège de noces que je ne puis voir, mais que je reconnais au classique coup de fusil. Assez puéril et suffisamment malheureux pour extraire la poésie des incidents les plus vulgaires et les plus naturels, j'accepte ceci comme un augure favorable. Et, à regret, à pas lents, je redescends dans la vallée des douleurs et de la mort, des insomnies et des démons, car ma petite Christine m'attend là-bas. Et je lui apporte le gui que je lui ai promis, la branche verte au milieu des neiges, que l'on devrait cueillir avec une faucille d'or. Partez. Nous en avons assez de cette odeur d'enfer. Le 27 novembre 1896, je pars vers le nord, en pèlerinage, pour essuyer le feu de l'ennemi dans une autre station expiatoire. Et puis, ensuite, une nouvelle plaisanterie des dieux qui rit aux éclats quand nous pleurons à chaudes larmes. Quelle blague! Quelle lugubre blague que la vie. Inferno de August Strindberg. Adaptation Juliette Eman. Seconde partie. Avec Jean-Michel Dupuis, Auguste Strindberg et Frédéric Cantrel, Brigitte Lecordier, Audrey Tarpignan. Musique originale de Dominique Massa, mixée par Fabrice Chantôme. Musique additionnelle. Concelli, Gurdjieff, George Crumb, Schumann. Bruitage. Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage, mixage. Philippe Carminati, Cécile Dume. Assistante, Anne-Laure Chanel. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.